Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes toujours dans le livre des Ad-Dua, les Afkar Kadhalik, les termes interdits ou qui pourraient paraître interdits qui ne le sont pas. Yaqulu fi sawal at-tas'ashar, 19e question. Souwila al-Sheikh rahimahullah ta'ala, ma hukm qawl atala Allahu baqa'ak, tala Allahu 'umrak ou tala 'umruk? Donc il a dit, maintenant qu'en est-il de demander que Allah rallonge ta vie, que Allah rallonge ta vie ou que sa vie t'allonge? Fa ajaba al-Sheikh rahimahullah ta'ala, la yanbaghi an yutlaq al-qawl bi tawl al-baqa, لأن طول البقاء قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإن شرا فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله، وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك. Donc il a dit, le shir a répondu qu'il ne convient pas de dire ce genre de phrase de façon catégorique dans l'absolu, car le fait que ta vie soit allongée, cela peut être un bien comme cela peut être un mal. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les pires des gens sont ceux dont la vie s'allonge et dont les autres sont mauvaises. Donc, le meilleur, c'est de dire que Allah te rallonge ta vie sur son obéissance. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de mal à dire. Car on entend souvent des gens le dire quand ils font des doigts pour des ulama, Atal Allah umrah, que Allah rallonge sa vie. Comme ça, sans préciser. On dit, c'est pas bon. Car tu ne sais pas le devenir de la personne. Donc, ce qu'il faut dire, c'est comme l'auteur l'a dit, que Allah te rallonge ta vie dans son obéissance et sur l'islam, sur le khayr, sur le tawhid. On précise sur quoi? Na. Souma qala fi souwal al-ishrin. Souwira al-shaykh, rahimahullah ta'ala, an ibara, adam Allahu ayyamak. Donc le shaykh fut interrogé à propos de l'expression qu'Allah fasse durer tes jours. Qu'Allah fasse durer tes jours. فأجاب رحمه الله تعالى قول أدام الله أيامك من الاعتداء في الدعاء لأن الدوام الأيام محال منافي لقول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مات فهم الخالدون. Donc il a dit de dire que Allah fasse demeurer tes jours. C'est un sens, en fait, de demeurer sans fin, sans limite. Il a dit, cela est un outrage dans la vocation. Car cela n'est pas possible que tes jours demeurent. Pourquoi? Car tout le monde viendra à mourir un jour ou un autre. Et là, il a dit que cela s'oppose à la parole d'Allah, dans le sens où il dit, et tous ceux qui sont sur terre finiront par disparaître, et restera seul le visage de ton Seigneur, plein de splendeur et de noblesse. Sourate Ar-Rahman, miséricordieux, versets 27 et 26. Ou 26 et 27. Et dans le sens où Allah est dit, et que nous n'avons accordé à aucun être humain, avant toi, l'éternité. Donc si jamais tu venais à mourir, parce que eux seront éternels, dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 34. Dans le sens où Allah est dit, en fait, à son messager, avant toi, personne n'a été immortel. Si toi tu ne l'es pas, qui donc va l'être? Si toi tu ne l'es pas, et tu ne le seras pas, Mohammed, qui donc le sera en dehors de toi? Donc voilà. Hadha alladhi qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Fa ila huna, walhamdulillah.